colibri, chaque bourdon, chaque petite fleur, chaque bourgeon. Ceux qui viendront après moi voudront aussi voir tout ça. Regarde bien le monde. Regarde bien. Un point de rencontre. Alors regarde bien le monde. Prends bien soin du monde. Prends bien soin du monde. N'oublie pas que la terre. Les graines qu'aujourd'hui tu as plantées, demain seront un champ de blé. C'est beau de voir tout s'épanouir. Y a tant de merveilles à découvrir. Et chaque d'elle mérite bien que ce monde devienne le tien. Regarde bien le monde et toutes les merveilles qu'il nous